Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur CKRL 89.1. Vous êtes peut-être aussi en train de manger. Si c'est le cas, mangez-vous de la viande? Mangez-vous végétarien? La viande, c'est le sujet de la chronique nutrition de Karine Gravel qui est à mes côtés. Mais son propos n'est pas d'élucubré sur la valeur nutritionnelle, mais plutôt de la façon dont on perçoit les végétariens et les amateurs de viande. Et elle pose la question, végétarien ou omnivore, lequel est le plus viril? Très bonne question, Karine. Bonjour. Bonsoir, Valérie. Donc, en fait, j'ai lu un article scientifique qui m'a fait sourire et même rire, alors j'ai décidé de vous partager mon enthousiasme pour ma chronique d'aujourd'hui. Donc, Valérie, je vais commencer par te poser deux questions. Entre les hommes et les femmes, donc, as-tu déjà remarqué qui dit souvent « un repas sans viande n'est pas un vrai repas » et aussi qui se fait souvent un plaisir de faire cuire la viande sur le barbecue comme un grand chef professionnel? Oui, c'est vrai que la cuisson au barbecue semble l'apanage des hommes. Oui, exactement. Et quand on s'imagine la scène, donc près du barbecue, où on peut penser à l'homme masculin, fier et viril, et on n'a pas tort. Donc, on sait déjà que la plupart de nos choix d'aliments se font en fonction de 4 critères. Donc, on a le goût, le prix, l'aspect pratique aussi, comme des aliments qui se cuisinent facilement ou qui se conservent longtemps. Mm-hmm. Et finalement, on a aussi les bénéfices qu'on pense que ces aliments auront pour notre santé, comme les fruits et les légumes. Mais des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique ont découvert que l'éthique et la masculinité étaient aussi des facteurs qui influençaient nos choix alimentaires. Donc ici, on parle du fait d'être végétarien ou omnivore. Donc, petite parenthèse, l'omnivore se nourrit autant d'aliments d'origine végétale qu'animale. Ouais, donc on n'oppose pas le végétarien au carnivore pur. Là. Exactement. C'est végétarien omnivore. Oui, on va un petit peu loin quand on parle de l'homme carnivore. Ouais. Il se nourrirait exclusivement de viande. C'est ça. Donc, est-ce que l'éthique influencerait le choix d'être végétarien? Mais c'est ça. Dans les sociétés occidentales, les mangeurs qui choisissent d'être végétariens, ils le font principalement pour des raisons éthiques. Lesquels, par exemple, je sais pas, ça peut être le bien des animaux ou alors peut-être des préoccupations environnementales oui, aussi. Oui, on entend souvent ces raisons-là. Puis, on peut aussi ajouter des préoccupations en lien avec sa santé et même un certain dégoût qui peut se développer en lien avec les qualités mm-hmm. sensorielles de la viande quand on n'en mange jamais. En fait, ça peut être le fait de ne pas aimer son odeur ou sa texture. La vue aussi, hein? Oui, aussi. Le morceau de viande saignant. Oui, c'est ça. Et c'est 8% des Canadiens qui affirment être végétariens, donc qui excluent la chair animale de leur alimentation. Oui, quand même. Et le végétarisme, c'est différent du végétalisme. Alors, donc, oui, pour les végétaliens, tous les aliments qui proviennent du règne animal sont exclus. Donc, pas de produits laitiers, d'œufs ou de miel. Mais choisir d'être végétarien ou de manger de la viande, ce n'est pas seulement une question d'éthique. La consommation de viande rouge est associée à la masculinité, la puissance, la vigueur et la virilité. Et en Amérique du Nord, la viande est souvent perçue comme l'aliment par excellence de l'homme le vrai. C'est vraiment curieux. Bon, et si on revient à l'étude que tu mentionnais plus tôt, comment les chercheurs ont identifié que l'éthique et la masculinité influencent nos choix alimentaires? En fait, les chercheurs ont mesuré les perceptions à l'égard des végétariens et des omnivores auprès de participants de recherche. Donc, ces participants de recherche recevaient un texte avec la description d'une seule personne. Donc, ils recevaient soit la description d'un homme végétarien ou omnivore, mm-hmm. ou encore la description d'une femme végétarienne ou omnivore. Donc, 4 possibilités. Par la suite, les participants devaient répondre à une série de questions pour caractériser la personne décrite dans le texte. Et par exemple? Bien, je vais vous donner un exemple de description pour un homme végétarien. Donc, les chercheurs fournissaient le texte suivant. Donc, Marc est un homme de 20 ans, étudiant à l'Université de Colombie-Britannique. Il se décrit comme étant actif et en pleine forme et mentionne jouer régulièrement au tennis et pratiquer la course à pied. Marc aime aussi visionner des films, jouer à des jeux de société et sortir avec ses amis. Donc, il mesure 5 pieds 10 et pèse 158 livres. Les aliments qu'il aime manger le plus souvent sont le tofu, les légumes en tempura, la salade, le pain à grains entiers et les lentilles. Donc, ça, c'est pour l'homme, la description de l'homme végétarien. Mm-hmm. Et pour décrire l'homme omnivore, la description, elle était identique, sauf pour les aliments mangés le plus souvent, qui, dans son cas, étaient la l'agneau, le bœuf maigre, la salade, le pain à grains entiers et les burgers de poulet. Donc, la différence entre tes descriptions se trouvait seulement au niveau des aliments préférés pour faire la distinction là, entre le végétarien et l'omnivore. Et bien sûr, la taille et le poids différaient entre les hommes et les femmes là, pour mieux représenter la réalité. Ouais, ouais. D'accord. Et alors, comment les végétariens et les omnivores ont été perçus par les gens qui participaient à cette étude? Oui. Bien, en fait, les résultats confirment que les végétariens sont perçus comme ayant un plus grand sens éthique, on s'en doutait, et davantage de principes de façon générale dans la vie. Mais en même temps, les hommes végétariens sont perçus comme étant moins masculins que les omnivores. De leur côté, les hommes omnivores sont perçus comme étant plus virils que les hommes végétariens. Et même si ces résultats peuvent faire sourire, ces résultats de recherche-là ont des implications importantes pour, par exemple, les recommandations nutritionnelles. Comment ils vont les prendre? Oui, exactement. Par exemple, quand on conseille de réduire ses portions de viande, hein, parce que souvent, elles sont trop copieuses, ou simplement quand on recommande d'augmenter sa consommation de légumes, ben pour certains hommes, ça peut correspondre à une diminution de l'expression de leur virilité. Et pour eux, ben, ça peut être inacceptable socialement. Ben oui, ou pour, pour leur ego ou pour leur bien-être mental, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et pour nous donner une idée concrète, quelles sont les quantités de viande recommandées chaque jour, en fait, pour un adulte? Parce qu'en fait, tu parlais aussi, bon, de l'omnivore, la description de l'omnivore typique, et puis du végétarien. J'imagine qu'en fait, il y a des intermédiaires dans tout ça. Hein. J'imagine qu'il y a des gens qui, effectivement, vont préférer les lentilles, puis il y a des gens qui sont omnivores sans pour autant avoir comme aliment favori, préféré, la viande, qui en mange quand même, mais que ce ne soit pas leur aliment préféré, par exemple. Oui, exactement. Donc, c'est de voir toute une gradation. Oui. Donc, en tout cas, donc, quelles sont les quantités de viande recommandées à chaque jour pour un adulte? Donc, à chaque jour, le Guide alimentaire canadien recommande à l'homme adulte 3 portions d'aliments du groupe viande et substituts, alors que pour la femme, c'est 2 portions. Une portion. Donc, oui. Donc, ce groupe alimentaire inclut aussi les légumineuses, le tofu, les œufs et les noix, mais pas seulement la viande. Okay. Donc, au total, pour tous ces aliments-là de tout le groupe, ça représente 7,5 onces ou 225 grammes d'aliments. C'est environ la grosseur de 2 jeux de cartes, mais pour la journée au complet. Mais ça, c'est les 3 portions qui font les 7 onces et demi? Exactement, exactement. Si on les calcule seulement en viande, là, ça donne 7,5 onces. Donc, c'est petit, hein, c'est un petit peu plus que 2 jeux de cartes, mais à peine. Donc, curieusement, on peut retrouver dans certains restaurants des steaks de 40 ou même 50 onces. Alors, si on fait le calcul, ça représente l'équivalent de 13 à 17 portions de viande en un seul repas. Et j'ai même vu 70 onces dans un restaurant de Toronto. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un petit peu, c'est bon, c'est des fois ces données-là pour nous mettre un petit peu, nous donner des idées. Oui, on mange peut-être un peu trop de viande. Oui. D'après les résultats de l'étude aussi, on peut donc dire que les jugements sont portés sur la personnalité du mangeur seulement en fonction de leur préférence alimentaire. Oui, exactement. Puis dans la plupart des études où on évalue la façon dont les aliments sont perçus, on constate que des jugements sont facilement portés. Par exemple, je vais vous donner d'autres exemples que ceux de cette étude-là. Les résultats d'une autre étude ont montré que les végétariens sont décrits comme des mangeurs plus pacifistes et plus soucieux de leur poids corporel. À l'inverse, les amateurs de fast-food sont décrits comme étant plus combatifs et plus conservateurs, comme si on pouvait savoir ça à partir du régime alimentaire. Le même genre de jugement est attribué aux aliments qualifiés de bons ou mauvais pour la santé. Donc, en Amérique du Nord, un aliment bon pour la santé, c'est perçu comme un aliment qui est faible en gras, alors qu'un aliment qui est mauvais pour la santé ou moins bon là, est perçu riche en gras. Et maintenant, dans une étude, on a demandé à des participants de recherche de qualifier des végétariens avec une alimentation faible en gras et d'un autre côté, des omnivores avec une alimentation riche en gras. Et les résultats sont assez tranchants. Les végétariens avec l'alimentation faible en gras sont décrits comme étant en forme, mince et même plus intelligent. Et à l'inverse, les omnivores avec l'alimentation riche en gras sont décrits comme des mangeurs qui aiment faire la fête, boire de l'alcool, qui ont un excès de poids et qui sont moins studieux. Et on a aussi dans une autre étude les mangeurs en fait qui ont une alimentation santé, donc qui mangent des fruits, la salade, du pain à grains entiers, qui ont été perçus plus éthiques, plus attirants et plus minces, mais ça, c'était pour les hommes. Mm-hmm. Ils étaient aussi perçus moins masculins et moins sympathiques que les mangeurs avec une alimentation qui n'est pas santé ou moins santé. Donc, une alimentation qui contient du steak, des frites, des beignes et de la crème glacée. Ouais. Alors, attention, ça rend sympathique manger de la crème glacée. Ça fait décontracter, hein. Je pense que c'est ça. Mm-hmm. C'est quand même curieux, ces jugements qu'on peut porter comme ça en regardant ce que les gens mangent. Oui. Donc, finalement, si on veut paraître quelque chose, il faut faire attention à ce qu'on mange. Ah, ben si on veut donner une certaine impression, oui, c'est ça. Donc, si on veut avoir l'air intelligent, qu'est-ce qu'il faut manger? Ben, en fait, voyons, pour avoir l'air plus intelligent, c'est pas trop de viande. C'est végétarien. Hein, c'est ça, exactement. Bon. Donc, en plus d'avoir des implications pour les recommandations nutritionnelles, là, comme je parlais pour la viande un petit peu plus tôt, ces jugements-là liés à l'alimentation permettent aussi de mieux comprendre certains choix alimentaires lorsqu'on étudie les comportements alimentaires mm-hmm. des mangeurs. Oui, c'est très intéressant. Mm-hmm. J'avais jamais pensé que le choix alimentaire pouvait nous juger. Ce qu'on mangeait pouvait permettre aux autres nous juger. On a beaucoup d'initiatives là-dessus. Bon, je pense qu'il faut peut-être quand même pas... Il faut quand même pas s'empêcher de manger ce qu'on a envie. J'espère que non. On entend souvent dire, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. C'est vrai, t'as raison, François. Ben, merci beaucoup, Karine. C'était un aspect plaisir. De consommation de la viande auquel j'avais absolument jamais pensé. Donc, vouloir manger de la viande ou pas, ben, c'est finalement plus qu'une question de goût. Oui, finalement. Vraiment, ça va au-delà du goût. Mais maintenant, question de goût, on va voir... quel goût musical nous a prévu François. Donc, on passe en pause musicale sur CKRL au 89.1. Et après ça, bien, CKRL vous offre un voyage aux îles Tuvalu.